La Bible David Martin 1744. Deutéronome 1. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël de ça le Jourdain au désert, dans la campagne, qui est vis-à-vis de la mer Rouge, entre Paran, et Tophel, et Laban, et Hatzéroth, et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Seir, jusqu'à Kadesh Barnée. Or il arriva en la 40e année, au 1er jour de 11e mois, que Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout, ce que l'Éternel lui avait commandé de leur dire. Après qu'il eut défait Sihon, roi des Amoréens, qui demeurait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui demeurait à Astaroth et à Édréhi. Moïse donc commença à déclarer cette loi de ça le Jourdain, dans le pays de Moab, en disant, l'Éternel notre Dieu nous parla en Horeb, en disant, vous avez assez demeuré en cette montagne. Tournez, et partez, et allez vers la montagne des Amoréens, et dans tous les lieux circonvoisins, en la campagne, à la montagne, et en la plaine, et vers le midi, et sur le rivage de la mer, au pays des Cananéens, et au Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Regardez, j'ai mis devant vous le pays, entrez et possédez le pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner, et à leur postérité après eux. Et je vous parlais en ce temps-là, et vous dis, je ne puis pas vous porter moi seul. L'Éternel votre Dieu vous a multiplié, et vous voici aujourd'hui comme les étoiles du ciel, par le grand nombre que vous êtes. Que l'Éternel le Dieu de vos pères, vous fasse croître 1000 fois au-delà de ce que vous êtes, et vous bénisse, comme il vous l'a dit. Comment porterai-je moi seul vos chagrins, vos charges, et vos procès? Prenez-vous de vos tribus des gens sages et habiles, et connus, et je vous les établirai pour chefs. Et vous me répondîtes et dites, il est bon de faire ce que tu as dit. Alors je pris des chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les établis chefs sur vous, gouverneurs sur milliers, et sur centaines, sur cinquantaines et sur dizaines, et officiers selon vos tribus. Puis je commandai en ce temps-là à vos juges, en disant, écoutez les différends qui seront entre vos frères, et jugez droitement entre l'homme et son frère, et entre l'étranger qui est avec lui. Vous n'aurez point d'égard à l'apparence de la personne en jugement, vous entendrez autant le petit que le grand, vous ne craindrez personne, car le jugement est à Dieu, et vous ferez venir devant moi, la cause qui sera trop difficile pour vous, et je l'entendrai. Et en ce temps-là je vous ordonnai, toutes les choses que vous auriez à faire. Puis nous partîmes d'Horeb, et nous marchâmes dans tout ce grand et affreux désert que vous avez vu, par le chemin de la montagne des Amoréens, ainsi que l'Éternel notre Dieu nous avait commandé, et nous vîmes jusqu'à Kadesh Barnée. Alors je vous dis, vous êtes arrivés jusqu'à la montagne des Amoréens, laquelle l'Éternel notre Dieu nous donne. Regarde, l'Éternel ton Dieu met devant toi le pays, monte et le possède, selon que l'Éternel le Dieu de tes pères t'a dit, ne crains point, et ne t'effraie point. Et vous vînt tous vers moi, et dites, envoyons devant nous des hommes, pour reconnaître le pays, et qui nous rapportent des nouvelles du chemin par lequel nous devrons monter, et des villes où nous devrons aller. Et ce discours me sembla bon, de sorte que je pris 12 hommes d'entre vous, savoir un homme de chaque tribu. Et ils se mirent en chemin, et étant montés en la montagne, ils vinrent jusqu'au torrent d'Escol, et reconnurent le pays. Et ils prirent en leurs mains du fruit du pays, et ils nous l'apportèrent, ils nous donnèrent des nouvelles, et nous dirent, le pays que l'Éternel, notre Dieu nous donne, est bon. Mais vous refusâtes d'y monter, et vous fûtes rebelles au commandement de l'Éternel votre Dieu. Et vous murmurâtes dans vos tentes, en disant, parce que l'Éternel nous haïssait, il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens pour nous exterminer. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait fondre le cœur, en disant, le peuple est plus grand que nous, et de plus haute taille, les villes sont grandes et closes jusqu'au ciel, et même nous avons vu là les enfants des Anakins. Mais je vous dis, n'ayez point de peur, et ne les craignez point. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous, lui-même combattra pour vous, selon tout ce que vous avez vu, qu'il a fait pour vous en Égypte, et au désert, où tu as vu de quelle manière, l'Éternel ton Dieu t'a porté, comme un homme porterait son fils, dans tout le chemin où vous avez marché, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci. Mais malgré cela vous ne crûtes point encore en l'Éternel votre Dieu, qui marchait devant vous dans le chemin, afin de vous chercher un lieu pour camper, marchant de nuit dans la colonne de feu, pour vous éclairer dans le chemin par lequel vous deviez marcher, et de jour, dans la nuée. Et l'Éternel ouït la voix de vos paroles, et se mit en grande colère, et jura, disant, « Si aucun des hommes de cette méchante génération, voit ce bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Sinon Caleb, fils de Jéphuné, lui le verra, et je lui donnerai à lui et à ses enfants, le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a persévéré à suivre l'Éternel. Même l'Éternel s'est mis en colère contre moi à cause de vous, disant, et toi aussi tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, qui te sert, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra les enfants d'Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, desquels vous avez dit qu'ils seront en proie, vos enfants, dis-je, qui aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que le bien ou le mal, ceux-là y entreront, et je leur donnerai ce pays, et ils le posséderont. Mais vous, retournez-vous en arrière, et allez dans le désert par le chemin de la mer Rouge. Et vous répondîtes, et me dites, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel, notre Dieu nous a commandé, et ayant pris chacun vos armes, vous entreprîtes de monter sur la montagne. Et l'Éternel me dit, dis-leur, ne montez point, et ne combattez point, car je ne suis point au milieu de vous, afin que vous ne soyez point battus par vos ennemis. Ce que je vous rapportais, mais vous ne m'écoutâtes point, et vous vous rebellâtes contre le commandement de l'Éternel, et vous fûtes orgueilleux, et montâtes sur la montagne. Et l'Amoréen, qui demeurait sur cette montagne, sortit contre vous, et vous poursuivit, comme font les abeilles, et vous battit depuis Séir jusqu'à Horma. Et étant retourné vous pleura devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix, et ne vous prêta point l'oreille. Ainsi vous demeurâtes en Kadès plusieurs jours, selon les jours que vous y aviez demeuré.